Flycase, le classement des 20 titres les plus représentatifs de ta radio. Chaque samedi, 7h, retrouve Olivier Curtis et les 20 titres incontournables de la semaine. Flycase. Les 20 titres qui te font bouger. 2 heures de classement, des news. Flycase, c'est un concentré de galaxies en 2 heures. Pour ne rien rater du prochain Flycase, calme-toi Galaxy ce samedi à 16h. Le Flycase avec Olivier Curtis te distille l'essence de ta radio. Flycase. Ben voilà, soyez les bienvenus en ce samedi après-midi, samedi 17 octobre. Bienvenue pour un nouveau classement avec cette semaine. Et bien, une fois de plus, pas mal de changements dans ce classement. Il y aura un total de 2 entrées et 2 sorties et peut-être un nouveau numéro 1. Je vous rappelle que la semaine dernière, c'était le titre de Claude Von Stroke avec Make a Cake. En sera-t-il encore question? Rendez-vous tout à l'heure aux alentours des 18h. En attendant, je vous en parlais. 2 entrées, 2 sorties. Flycase. La sortie du groupe Armada avec Paris, le remix de Andy Ma. Elle est sortie également de I Have a Tribe, Yellow Raincoats. Ça nous fait tout drôle parce qu'on aimait bien ce titre finalement. Frank Vindman, le remix en sortie. Numéro 20. Allez, on y va d'attaque tout de suite avec les 20 meilleurs de ce classement, les 20 titres incontournables. C'est parti, la 20e position. Ça perd une petite place, c'était en entrée la semaine dernière. C'est à vous de réagir, Facebook Flycase. Voici Jackoy avec Still in Love, petite découverte Galaxy, 16h03. The fire within me, when I'm feeling empty, you fill me right up, baby, fill me right up. I remember when you lit me up with your touch. The fire within me, when I'm feeling empty, you fill me right up, baby, you fill me right up. I guess I'm used to love, still love. I'm used to love, still love. Cause you're used to love, still love. Still in love, still love. So I'm used to love, still love. Still in love, still love. Cause you're used to love, still love. Still in love, still in love. I believe in many things. I believe in all of which it comes to faith. You've been here on different counts. You've been here on different counts. So I'm steady counting away. I remember when you lit me up with your touch. The fire within me. When I'm feeling empty, you fill me right up, baby. Fill me right up. Fire within me when I'm feeling

Nouveauté. Les 20h incontournables, c'est tous les samedis entre 16h et 18h avec la 20e position Jacoy, Still in Love. Ça perd une place, deux places au moins pour Pop Off et Animal Enemy. Avec Going Back, c'est le remix de Oxia et Miss Keating. Et numéro 18, c'était la première entrée. Il est enfin entré le nouveau Masséoplex avec Wash Away My Tears. Tout de suite, on fait une petite pause dans ce classement du Flycase avec le tout nouveau Sailor on Ice. Ça s'appelle I Leave the Lights On. C'est le remix de Yoris Band. Très très bon après-midi. N'oubliez pas de voter Facebook Flycase. On attend toutes vos propositions, bien évidemment. Wake me up before you go. Leave the light on. Fill the room with you before you roll home. numéro 17. Bitch, please. Bitch, please. Les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h. C'était la position numéro 16 à l'instant avec Jojo Rose. Ça s'appelle Incendius. Ça perd 4 places. Et juste auparavant, Bjarty. C'est une petite découverte Galaxy également. Et Wanna Go Bang. Ça gagne une petite place. Et on va vous parler des soirées sur Galaxy. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy. Et encore plus le week-end. La musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Only mix on Galaxy. Ce soir sur Galaxy. Shake it, girl, shake it. Et ce soir sur Galaxy à partir de 20h, c'est Jérôme B que vous allez retrouver. 21h Franck Lido, 22h Digitum, 23h Marty, minuit Storm, à 1h du mat Digigus, à 2h Marc Lower, à partir de 3h 7 Santos, et à partir de 5h jusqu'à de 4h à 5h, c'est Pierre Théry pour clôturer le bal. Tout de suite, voici une petite, un petit souvenir, tu vois, on va se faire un bond dans le temps. En 2003, voici Ralphy Rosario avec Take Me Up.

crowd shining on me. My star is turning around. Somewhere far above, oh world, make way, make way. Galaxy, on n'est pas peu fier en plus. Numéro 13 cette semaine, donc classement du Flycase, ça perd 4 places. DJ Gagnani avec Better Days. Numéro 14, pas sûrement pour parler la semaine dernière pour Saint Weekend et English avec le titre Lost Runaway. Et pointé numéro 15, ça gagne une place. Chester Page, Twist in My Sobriety. Bon après-midi, profitez bien du soleil dans votre tête, en sortant la musique dans le tunnel. Tout de suite avec une petite proposition d'entrée, tiens, pour la semaine prochaine. Allez-y, votez Facebook Flycase. Il s'appelle Justin J et le titre Rain Dance. I'm gonna make it rain.

Les 20 titres incontournables, c'est tous les samedis entre 16h et 18h. C'était la position numéro 11. À l'instant, c'était Jen Shra avec le titre Carry On. Il est 17h. Numéro 20. Allez, on est parti. Voici le récapitulatif de la position numéro 20 à la position numéro 11. Si vous avez manqué cette première heure, numéro 20 cette semaine, ça perd une place. Il s'appelle Jacoy. C'est le nom du groupe Seal in Love. Numéro 19. Hop off, le grand tour dans ce classement, chaque titre sorti est un tube, laisse perdre de place, par contre il a déjà quelques semaines de présence. Going Back, c'est le titre de ce single, c'est un remix de Oxia et Miss Kittin. Numéro 18. Numéro 18, la première entrée, il y en a deux au total cette semaine, Masséoplex avec Wash Away My Tears. C'est le matin. Yorky, I wanna go bang. 17. Numéro 17, ça gagne une place. Sometimes I feel like I wanna go bang. Numéro 16. Numéro 16, 4 places au moins pour Jojo Rose avec Insidious. Numéro 15, une petite place mieux pour Chester Page avec le nouveau titre Twist in My Sobriety. Numéro 14, pas tellement pour la semaine dernière, c'est toujours Saint Weekend et English, le titre Lost Runaway. Numéro 13. Découverte Galaxy, vous êtes les seuls à l'entendre. DJ Gagnani avec Better Days, ça perd 4 places. Numéro 13. Numéro 12. C'était d'entrée la semaine dernière, ça gagne 3 places cette semaine. Butch, Praise the Lord. Et enfin numéro 11, on s'est écouté il y a quelques secondes à peine, c'était Jen Shra avec Carry On, le remix de Chopstick et John Lennon. Galaxy Fly Case numéro 10. Allez, on y va d'attaque tout de suite dans les 10 premiers avec un nouveau numéro 1 tout à l'heure aux alentours des 18h. Voici après numéro 10, deux places de moins, Chicago. We'll be right back.

is always God's. And let your darkness disappear beneath the stars. Follow the hollow inside you, deciding who you are. The sky is near in vermilion, we're not too far. So long, you're really starting to get down. So much you wanted to hide yourself from being found. Crouch down on the desert floor with yours plastered to the ground. You're used to being all by yourself and safe and sound. C'est bon, ça sent le futur numéro 1 en tous les cas. C'est la position numéro 8 cette semaine, c'était Damien Lazarus avec Ancient Moons. Ça s'appelle Vermilion numéro 8, ça gagne 2 places. Numéro 9, la meilleure entrée pour cette semaine, le retour de Beckermet avec Van Dark, le remix de Oliver Dollar et Matthew K. Et pointé numéro 10, après, c'est le nom du groupe Chicago, ça perd 2 places. Tout de suite, voici une proposition d'entrée pour la semaine prochaine. Disclosure avec Omen, c'est le remix de Clapton. I'm feeling something, something different when you left. The picture changed. I was blinded, I not envisioned the same face in a different frame. It's an we'll be right back. numéro 7. I'm not Flakes et les 20 titres incontournables tous les samedis entre 15h et entre 16h et 18h avec Paul Kolbrenner. C'est pointé numéro 6, un album que l'on vous recommande avec plein de petits futurs tubes. Évidemment, du moins, on l'espère pour lui. Paul Kolbrenner avec Cloud Raider numéro 6, ça perd 2 places et pas de changement par rapport à la semaine dernière pour la position numéro 7. C'est toujours Collective Term Stress. Sorry, I'm late. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy et encore plus le week-end. La musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Only mix on Galaxy. Ce soir sur Galaxy. Shake it, girl, shake. Et ce soir sur Galaxy à partir de 20h, c'est Jérôme B que vous allez retrouver. 21h Franck Lido, 22h Digitom, 23h Marty, minuit Storm et 1h Digigus, 2h Mark Lower, 3h 7 Santos et à 4h jusqu'à 5h Pierre Terry. Tout de suite, on va faire une petite pause dans ce classement du Flakes, un peu de douceur en ce samedi après-midi. Voici Moby avec un petit remix tout à fait exceptionnel de Hymne. C'était la version piano. Ça fait longtemps qu'on n'a plus écouté celle-là. Hein. Session sur Galaxy avec Moby, c'était Hymne, la version piano mix. Olivier Curtis, Flycase sur Galaxy. Numéro 5. Numéro 5. We'll be right back.

Le numéro 4 à l'instant, c'était Technasia avec Green Velvet et Suga. Ça gagne une place et une place de mieux également pour 6 et Eduardo Castillo avec son bras India. Tout de suite, petite nouveauté, proposition d'entrée pour la semaine prochaine. Voici le nouveau Timothy Milton avec Music and Me. Music in me, the music in me, the music in me, the music in me, the music in me, the music in me. Les années 20 titres incontournables, tous samedi entre 16h et 18h. C'était Julia Tubenberger avec Dizzery numéro 2. Flycase, the égal Flycase numéro 10. Allez, on y va, récapitulatif des 10 meilleurs pour cette semaine. Numéro 10, 2 places au moins pour Après et Chicago. Numéro 9, Baker Matt avec Van Nark, c'est le grand retour. Oliver Delar et Matthew Kass, c'est le remix. Numéro 8. Pointé, numéro 8, peut-être un futur numéro 1. En tous les cas, on adore ce titre. Damien Lazarus avec Vermilion. Numéro 8, ça gagne deux places. Numéro 7. Numéro 7, collectif Tom Stress. Sorry, I'm late. Pas de changement par rapport à la semaine dernière. Numéro 6. Numéro 6, Paul Kulbrenner avec Cloud Raider. C'est numéro 6, ça perd deux places. Numéro 5. Pointez le numéro 5, 6 et Eduardo Casillo. Ça s'appelle Sombra Isias, gagne une place. Numéro 4. Ecclesia X, numéro 1 de ce classement du Flakes, Green Velvet avec Suga, c'est numéro 4, ça gagne une place. Give me some milk, sugar, and a spoonful of your love. Numéro 3. Numéro 3, ex numéro 1, c'était numéro 1 la semaine dernière d'ailleurs. Claude Von Strock avec Make a Cake, excellent clip avec le cousin de Casimir. On adore, il y a Florent qui adore d'ailleurs. Il est fan. Numéro 2. Et enfin numéro 2, on vient de l'écouter il y a quelques instants, Jude et Tubenberger avec Disery, ça gagne une place. Flygaze. Numéro 1. Allez, nouveau numéro 1 cette semaine avec Pelé et Sean Nessie avec Better for Brain. Ça gagne une place, nouveau numéro 1. Je sais pas si je vais écouter Matt Matou, si je vais écouter Florent tout à l'heure, une note. Je crois que je vais mater le clip en boucle de Clone Van Strong. C'est trop rigolo. Pendant 2 heures, je crois que je vais faire ça. Allez, on part tout à l'heure. Laisse-moi mon numéro 1. Thank you. Flykays. Voilà, nouveau numéro 1 pour ce classement de Flykays. À l'instant, c'est les Pelés et Shaun Essie avec Better for Brain. C'est l'un des titres préférés du Florent en plus. Bon, vous avez compris, Maître Matou, il est pas là. Ah, il a pris. Il est à l'Amsterdam Dance Event. Oui, il y en a qui ont de la veine. Hein, j'ai déjà vu pas mal de photos, ça a l'air d'être pas mal d'ailleurs. Ah, c'est bien sympa, ouais. Il y a des vitrines sympas, oui. Oui, exactement. Il n'y a pas que ça. En fait, à Amsterdam, il y a des choses. Ah, lui, les photos de Matt, c'est ça. C'est un petit peu plus. Oui, il va trouver des chats également. Des chats, voilà. Enfin, bref. Non. On verra bien. Je pense que c'est pour ça qu'il est allé. Il fait collection de chats. Donc, il est collectionné. Bon, Florent, il est en super forme. Yes, en pleine forme jusqu'à 20h. Bon, on va remplacer le Matou. On va essayer en tout cas d'avoir le même humour, le même style musical. Ça va être dur. Pour le style musical ou pour l'humour? Pour les deux. Non, pour le style musical, c'est pas aller. Pour l'humour, il faudra t'adapter. Parce que... Ouais, c'est clair, il va falloir m'adapter. Mais ça va le faire en tout cas. 18h-20h, on est en direct. In and out, ce sera pas la même voix, ce sera différent. Bref, on va s'éclater jusqu'à 20h. Ok, d'accord, okay. Pas de problème, on y va tout de suite. Alors, allez, 18h.